is the man with the master plan. I'm here to turn it out with the mic in my hand. It's the man with the master plan. I'm here to turn it out with the mic in my hand. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue chers auditeurs, chères auditrices. Vous êtes en compagnie du grand boss d'Endoctrasia pour vous présenter eh bien, ce nouveau volet de l'émission avec ce soir au programme le meilleur de la sélection libre Endoctrasia. Salut, c'est Maria, je fais du porno, vous pouvez me retrouver sur http://mariasex.ifrance.com et j'écoute Endoctrasia, la meilleure sélection de musique libre. Endoctrasia, la voix du monde libre, une émission produite et réalisée par Julien Pelletier. Faut jamais laisser traîner ses affaires chez moi. Impressionnant ce qu'un petit élastique vert peut foutre la merde. Vous écoutez la sélection libre en Doctrasia sur Radium 89.7 FM, Castres.